Jim l'Indien, roman de Gustave Aimard, Jules Berrios d'Aurillac, lu par Ramina Grobis pour le compte de audiosite.net, sous licence creative.commode.org.